J'ai toujours aimé les femmes, les blondes ou les brunes m'encharment, les ensorcelées toutes sans exception. Je savais réveiller leurs flammes, oui j'aimais jouer aux dames, je les utilisais comme des pions. Je leur promettais des ailes, leur offrais le septième ciel, elles aimaient mon côté mauvais garçon. Je jonglais avec chacune d'elles, passais d'hôtel en hôtel, sans me rappeler de leur prénom. Mais un jour la roue a tourné. Sorti de grand jeu, une garde-robe à 10 000 €, des roses et des tas de bijoux fabuleux. Je voulais finir ma vie dans ses yeux, lui faire des enfants somptueux. Oui monsieur, j'étais amoureux. Pour elle tout ça n'était pas sérieux, elle aimait mes cadeaux luxueux. Oui elle jouait un double jeu. Elle passait d'hôtel en hôtel, de mec en mec, de bouteille en bouteille. Oui mademoiselle n'était fidèle qu'au portefeuille généreux. Aujourd'hui j'en paie les frais. Don't m'appelle plus Casanova.